The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To hear. Entendre. Noise. Le bruit. To have. Avoir. Fear. La peur. To. Aussi. Now, a bit faster. To hear. Entendre. To have. Avoir. To. Aussi. Noise. Le bruit. Fear. La peur. To hear. Entendre. Fear. La peur. Noise. Le bruit. Fear. La peur. Now, use the words in context. Entendre. I hear a noise. J'entends un bruit. Avoir. I'm scared. J'ai peur. Le bruit. There's a lot of noise. Il y a beaucoup de bruit. La peur. She's scared. Elle a peur. Aussi. Me too. Moi aussi. Avoir. I'm scared. J'ai peur. Le bruit. There's a lot of noise. Il y a beaucoup de bruit. La peur. She's scared. Elle a peur. Aussi. Me too. Moi aussi.